Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Nekfeu. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Nekfeu, c'est maintenant sur Skyrock. Feu, coup d'envoi pour ce nouveau Planet Rap. Bonsoir, bienvenue, comment ça va Nekfeu? Ça va et toi mon vieux? Oh, c'était une journée mouvementée aujourd'hui. Putain, je m'en remets pas. Tu veux que je raconte un peu ce qui s'est passé? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui voulaient te voir, parce qu'il y avait un showcase pas très loin d'ici. Ouais, à la Fnac des Halles. Mmh. Donc j'avais donné rendez-vous à tous les gens qui voulaient pour venir à une séance de dédicace et faire quelques morceaux. Et en fait, j'ai commencé à faire mon concert, enfin mes quelques morceaux, ça a freestyle, ouais, mon petit showcase. Et y a la police qui a débarqué dans là où on était. Qui voulait freestyler aussi, la police. Ouais, voilà. Et qui voulait taper un 16, comme on dit, ou taper peut-être sur autre chose, mais. Je sais pas, ils sont arrivés vraiment super remontés en disant que c'était le bordel et que. Et qu'il fallait évacuer la Fnac, qu'ils étaient en train de. Ils avaient fermé la Fnac du coup. Et du coup, on m'a forcé à partir de l'établissement et me voilà. Donc désolé pour tous ceux qui... Je suis dégoûté vraiment. Tous ceux qui voulaient voir Nekfeu. Ouais, il y a forcément plein de messages. Je reçois beaucoup de messages et ça me rend ouf, mais j'ai rien pu faire. Mais alors, vous savez quoi? On va se rattraper ce soir. On va se rattraper, on va kicker de ouf pour tous ceux qui n'ont pas écouté le showcase. Il y avait quand même un monde de malades qui a écouté. Ah bah, a priori, s'ils ont dû fermer la Fnac, ouais, c'est que ça devait être blindé. Non, c'était fou, c'était la guerre. Donc voilà, tous ceux qui n'ont pas pu voir Nekfeu aujourd'hui, mettez les images sur Skyrock. FM sur l'appli, écoutez-nous un peu partout dans toute la France, envoyez des messages avec le hashtag Nekfeu sur Skyrock, c'est parti pour une nouvelle soirée. C'est aussi un bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, beaucoup de supporters. Mais j'étais choqué, mais tu vois, je suis un peu désolé qu'il y en ait qui se soient fait bousculer. J'espère qu'il y a, tu vois, dans ces moments-là, il y a des mouvements de foule, les gens ils se font un peu brusqués, etc. Donc vraiment, je suis désolé. Et je donne rendez-vous à tous mes Parisiens pour un concert gratuit le 18 juillet sur le parvis des Fnac de la Halle. Et voilà, c'est le Fnac Live Festival. Donc là, par contre, il y a de la place. C'est où? On pourra tous être là. C'est juste devant le parvis des Halles. Ah, sur, sur la place, ouais. Dans le forum des Halles, par là. Ouais, voilà. Ok, très bien. Donc pour non, excuse-moi, qu'est-ce que je raconte? Hôtel de Ville. Ah oui, c'est ça. J'ai encore l'épisode des Halles dans la tête. Hôtel de Ville, voilà, place de l'Hôtel de Ville. 18 juillet, c'est gratuit. Tout le monde est le bienvenu. Et c'est. Bon, là, il y aura plus de place, a priori. Il y aura plus de place. Ils prévoient déjà des milliers et des milliers de personnes, comme chaque année. Donc. Voilà. Bon, en même temps, ce que je veux dire, c'est que tu sens quand même tout cet engouement parce que il y a le côté senti, réseaux sociaux et il y a aussi une réalité. Ouais, là, j'ai senti. C'est, qui là, fait qu'à un moment, c'est. Voilà. Est-ce que tu suis un peu aussi les ventes de disques? Est-ce que tu sais un peu où ça en est? J'ai entendu quelques échos. Moi, j'ai entendu quelques échos aussi aujourd'hui. Je veux pas me porter l'œil. D'accord, alors. J'attends de voir la fin de la semaine, comme je dis. Mais a priori, ça va être très gros. Ouais, c'est fou. Bah, hier, c'était en rupture un peu partout. Aujourd'hui, il y a encore quelques endroits où c'est en rupture, mais ils ont réapprovisionné justement pour que. Donc, allez le pécho si vous êtes allé et qu'il n'y avait pas. Et voilà. Bon, c'est un truc que tu vis bien? Bah, de fou. Je suis tellement content. Là, je suis avec toute l'équipe. On va saluer un peu tout le monde aussi. Ouais. Je suis avec donc l'entourage, avec Panama Bende, Phénomène Business qui sont dans la place. Il y a Megava d'un FG peu partout. FG qui est là. Ouais, FG. Et voilà, on va kicker de fou. Mais de toute façon, on se présente mieux en rappant. Donc. Ce sera tout à l'heure avec les prods de DJ Elite, sélectionné par DJ Elite tout à l'heure pour le freestyle. Ça va être sale. Et on débute avec On verra bien. Vas-y, c'est parti. Allez, coup d'envoi Nekfeu, c'est sorti depuis lundi. Numéro 1 des ventes, il est là avec nous. Dealer Fred. Tous les soirs. Gros carton. Feu. Gros album à avoir absolument, c'est Feu. On sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont faits tard. Quelle ironie de mourir en position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. On verra bien. L'avenir nous réserve, on verra bien, on verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. J'suis prêt à te casser les couilles si t'as bu, j'te laisserai pas conduire. Le temps s'affile, on a peur d'enchaîner les défaites et pirater. Sa vie pas de projet à part mater des DVD piratés. Feuilles dans les bacs. On verra bien. Ce le monde rend fou. Tout le monde est en guerre, hein, hein. Plus on se rend flou et moins on voit clair, hein, hein. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit, hein, hein. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui tapent à trois, hein, hein. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue, hein, hein. Mon papa me croit pas mais ça me sente le tabac froid, hein, hein. On se fait chier au taf, on attend les camps vains, hein, hein. On se parle derrière un ordi mais en vrai quand est-ce qu'on se voit, hein, hein. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens on y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, on verra bien. Ici non seulement ça rappe mais quand y'a un gros sommet ça rappe. Que n'aie pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances arabiques. Qu'on est tous dans le même bateau, même ceux que l'on aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Se lève jamais avant midi à part le matin d'une perquise. Pendant que ses copains révisaient, le petit Ken devenait écrivain. Oui je pense qu'à m'amuser, mais pour la coke j'ai le nez de krill. Hey, screw, un 995, on en a rien à foutre de rien. Blackbird, l'entourage, on a rien à foutre de rien. Nos corps fonctionnent à l'envers, on marche avec des têtes. On se sent avec un regard et on joue avec les nerfs. Moi je parle avec les mains, parfois je pense avec ma... Mais je touche avec mes pensées et j'écris avec le cœur. J'en ai rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien. Nekfeu avec nous et l'album s'appelle Feu, il est sorti lundi, véritable carton pour Nekfeu et c'est tant mieux, c'est un bon album, c'est ce qu'on vous dit depuis le début de semaine, vous commencez à le savoir parce que vous aussi vous l'avez vu le nombre de messages. Pour l'instant j'ai pas vu de trucs négatifs, hein, franchement. Bah ça fait plaisir, hein. Parce que t'as toujours 2-3 trucs, hein, et c'est de la ouais. Bon il y en aura, de toute façon ça veut rien dire. Mais en tout cas je suis super. C'est quand honoré. Tu vas passer le disque d'or, d'un seul coup ça va devenir de la merde. C'est, ah ouais. Ça va être trop commercial, trop tout, trop naze. Il y a moyen, mais c'est le malheur que je me souhaite. Mais c'est un truc auquel tu penses ou pas toi, justement, c'est bah, faire face de toute façon déjà des réactions. Un peu à une époque, un 995, on disait que c'est petit groupe de Bourges, etc. T'as déjà connu ça? Moi, j'ai toujours fait attention aux remarques des gens que je croisais dans la rue, plus qu'à celles d'internet ou des commentaires YouTube, parce qu'il n'y a pas un artiste qui fait l'unanimité. Ah ouais. Donc ça sert à rien. Mais non, franchement, je te dis la vérité, je sens beaucoup de positif. Et les gens, ils savent qu'on a charbonné là avec toute l'équipe. Tu sais, moi, c'est mon 10e projet en vrai. J'ai une petite carrière, mais en collectif, on a sorti plein de projets, on a fait plein de trucs. Donc les gens qui savent, ils sont contents que ça marche. Et c'est pour ça que je suis super fier de les représenter, parce que tu vois, nous, on vient de l'underground et on continue d'en faire partie en fait. Donc voilà, c'est une fierté pour moi que ça marche. Et puis ça risque aussi de pousser des voilà, pas mal de gens. C'est pas que ça risque, ça va pousser. Ça montre que les gens sont intéressés par un format rap qui se perdait un peu, et je suis super content. Et nos concerts sont pleins. Avec Escro, on a fait une tournée de malade, c'était plein tout le temps. L'entourage pareil, on fait des gros événements. On nous entend pas forcément partout tout le temps, mais tu vois, on a une base solide de soldats qui nous suivent et qui s'agrandit. Et qui s'agrandit. Et qui s'agrandit. Ouais, je suis super content. Avec l'album Feu qui est dans les bacs depuis lundi, justement, comme on parlait, que ce soit Escrew, l'entourage, tous les projets que t'as sortis, donc une dizaine. T'as l'impression ouais, que sur cet album, il y a aussi un petit peu tout ce passif. Bah, bien sûr, il y a. Où t'es reparti vraiment à zéro quand t'as fait l'album en disant bon. Non, il y avait le côté groupe, il y avait le côté équipage, mais est-ce que là, voilà. J'ai fait comme le docteur Guéraud, j'ai pris les cellules de tout ce qui s'était passé avant, un petit peu de chaque combat, un petit peu de chaque moment, et j'ai essayé de faire la synthèse de tout ça. Et mes gars, ils étaient tout le temps avec moi. Tu vois, ils me conseillaient sur des morceaux. Il y a des morceaux que j'ai gardés sur conseil de mes potes. Il y en a que j'ai enlevé. Et c'est comme ça, tu vois, c'est le collectif. On fait du son ensemble. On prépare d'ailleurs le deuxième album de 1995, deuxième album du Escrew, l'album de l'entourage, un deuxième aussi, tous les projets solo. On essaie de se donner de la force. Et voilà. J'allais te demander, ouais, justement, sur les différents projets de chacun, tu vas jeter une oreille aussi à chaque fois, inversement, sur ce qu'ils ont fait quand ils venaient t'écouter. Mais je demande, moi j'arrive, je m'inspire de fou. Quand j'ai la chance d'entendre un morceau inédit, je cogite, je deviens fou. Je te jure, parce qu'en plus, vraiment, honnêtement, moi, le rap qui me plaît le plus, c'est celui des gars qui m'entourent. Et c'est vraiment, je trouve que il y a des gars à moi, ils sont tellement chauds que ça me donne envie à chaque fois de bosser, de m'entraîner, de m'améliorer sur certains aspects. On parle tout le temps de rap, on est un peu des fous de ça, en fait. Et donc voilà, c'est obligé pour moi d'écouter tout ce qui se fait. Et je peux vous dire que vous avez intérêt à prêter l'oreille, parce que c'est rien, là, feu, c'est rien. Les projets, ils arrivent, ils sont bouillants. Toi, plus gamin, plus jeune, c'était quoi justement les références, les mecs que t'écoutais ou qui t'ont vraiment donné envie, ou tu disais putain, merde, bah, moi, être à leur niveau Avec le S-Crew, en vrai, on écoutait quand on était vraiment jeune, on écoutait, enfin plus jeune, on a grandi avec, tu sais, la Mafia Quinfri, L.I.M., l'école de Boulogne, etc. Ça, c'était vraiment nos influences. Et c'est un peu plus tard qu'on a redécouvert ce qui se faisait avant. Tu vois, on écoutait un peu de tout, mais plus des trucs que des mecs nous passaient sur clé USB ou ce qui passait à la radio. Et c'est plus tard qu'on a redécouvert des trucs à l'ancienne. C'est en quoi fait. Par exemple un album que t'as redécouvert qui était peut-être sorti où tu dis putain, merde. Franchement, les X-Men par exemple. Ah moi, ouais. Moi j'ai pas eu la chance de grandir avec les X-Men, tu vois, j'avais pas de grand frère, j'ai écouté cet album, l'album de Hi-Fi. Donc Nick les clones, c'est un peu le. C'est un clin d'œil. C'est un hommage. D'ailleurs, ils m'ont fait l'honneur d'être dans le clip Time Bomb, les X-Men, et je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'apparais sur un morceau de leur futur projet qui est en préparation, et ça va être légendaire aussi. Et voilà, c'est des artistes que t'as découvert un peu plus tard. Non, mais quand je t'ai dit un peu plus tard, c'est vers 15-16 ans. Mais avant ça, ouais, je suis d'une génération plus jeune en fait, moi. Mais même si quand j'étais petit, il y avait Ministère Amer, il y avait NTM, etc. Non, mais après, c'est sûr que voilà, il y a des moments où tu peux retomber sur des albums en disant ah putain, merde. Bah ouais, de fou. Bah Fab par exemple. Fab, je connaissais pas, je connaissais la Secret Connection. Mais je connaissais pas Fab, et j'ai redécouvert après ses albums, et ça a été une grande claque. Ouais, et Danny Dan, les Sages Poètes de la Rue, c'était. Mais il y a plusieurs clins d'œil de toute façon sur Feu. Hein. Il y a plein de clins d'œil au rap français. Ouais, bon, le plus évident, il y a Gynéco, un petit clin d'œil aussi. Ouais, il y a Gynéco aussi, tu vois, pareil. Bon, ça, par contre, j'ai grandi un peu avec ça. Mais ouais, je suis. Mais on parlait d'X-Men, mais il y a aussi d'autres clins d'œil. Fab, c'est vrai qu'il y a des petits clins d'œil à Fab aussi sur cet album. Ouais, c'est un de mes rappeurs préférés français, donc. Bon, on passera au live, on fera un gros live tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, Nekfeu? J'ai envie de mettre le morceau Laisse Aller, qui est produit par mon gars Richie. Et que j'ai pas encore passé, je suis fou. Il est né comment alors celui-ci, Laisse Aller? Celui-ci. Le souvenir que t'as de Laisse Aller, c'est quoi? Le souvenir que j'ai, c'est Richie et moi dans son studio toute la nuit. Et comme un autiste en train de lui dire ouais, la mélodie, ding ding ding, chanter la mélodie. Et lui, il est en train de le faire. Il m'a fait 1000 versions et les 1000, je voulais kicker dessus, mais lui, il est perfectionniste. Donc voilà, je me rappelle d'une nuit comme ça où j'ai posé juste le refrain. Et après j'ai écrit d'ailleurs ce son il est assez long et je l'ai raccourci parce que j'avais au moins 5 couplets de plus parce que la prod elle m'inspirait et je trouve que c'est une bête de prod. Et ben on écoute déjà cette version qui est sur l'album. Ouais, c'est la seule unique. Il y en aura pas d'autres. Allez, on écoute ce morceau, c'est extrait de Feu. Richie, je te vois. Dieu. Faut pas que je me laisse aller. Non. On meurt avec un vécu, aucun mec invaincu. Désormais convaincu des lacunes qu'on véhicule. T'es attiré par le très chic, mais le trafic te coûtera cher. La vie est un crash test tragique, il vaut mieux tracher. Cacher tes pensées, tracher, cracher ce que t'as dans la trachée. Plusieurs trajectoires, tu peux recevoir une dragée pendant le trajet. En un clin d'œil, car la mort est complice. Une vie combat clin d'œil. On ne se rend compte des choses qui comptent que quand on nous les arrache. Le genre de jeune qui retourne contre lui-même sa rage, hein. Mec, un brin nomade, faisant partie des gringalets en pleine dégringolade. Des grains de folie dans le sablier. Et plein de faux types dans mes alliés. On dormait par terre chez moi, tu sais que c'était pas grand. Puisqu'on a partagé, jamais j'insulterai tes parents. Oui, ça m'affecte, tu verras ça avec Dieu. Ce monde est défectueux pour un homme affectueux. Ma rancœur nage dans l'encre noire. Je dois sortir de l'engrenage. Faut pas que je me laisse aller. Faut pas que je me laisse aller, non. Faut pas que je me laisse aller, pas que je me laisse aller, non. Faut pas que je me laisse aller, pas que je me laisse aller, non. Faut pas que je me laisse aller, pas que je me laisse aller, ah. Faut pas que je me laisse aller. J'ai pas le temps de chanter dehors, c'est la chaîne. Ah, je vois défiler les années. J'ai pas le temps de chanter dehors, c'est la chaîne. Ah, faut pas que je me laisse aller. J'ai pas le temps de chanter dehors, c'est la chaîne. L'enfant l'a mandé, salut. Faut pas que je me laisse aller. Je te livre les écrits d'un poisson. Chaque soir, bercé par les cris d'un voisin, victime de crise d'angoisse. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Si t'as besoin de recul, appuie sur la détente. Une sévère hémorragie, j'aimerais m'arracher, j'ai laissé mes remords agir. Et mes pensées sont impuissantes, elles dérivent vers le tiers monde. Les petits qui sortent du ruisseau veulent des rivières de diamants. L'enfer est gelé, le paradis crame. Tout le monde rêve de planer, t'as pas de maladie grave. Tu débats les voiles, j'y crame. Tu prends tes thunes, pas d'études, mais tu passes ton premier examen pour une maladie grave. Je vois mon pote obligé de se priver les joues creusées. Accepter leurs privilèges ou crever la dèche, ouais. Moi je l'ai connu et je l'ai déjoué. Tous les doutes, je l'ai déjoué. Genre de question déjoué. Sincèrement, j'en fais le serment. Je vais combattre le système en m'en servant. Leur âme est souillée comme l'air de la terre. Mais que puis-je changer sans faire d'affaires? Il faut faire des sous, c'est le nerf de la guerre. Pour monter des assauts et rendre fière ma mère. Avant que Lucifer ne me crucifie, je me suis laissé faire et j'ai crucifié cette fille. Y'a mes pillés, je me méfie d'elle. Y'a qu'en amitié qu'on est fidèle. C'est un péché, mais je l'attends devant l'autel. Tout est une question de volonté, levons nos têtes. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller. Non, non, non, non, non. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller. Non, non, non, non, non. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller. Non, non, non, non, non. Faut pas que je me laisse aller. Pas que je me laisse aller. Ah, faut pas que je me laisse aller. J'ai pas le temps de chanter dehors, c'est la chaîne. Je vois défiler les années. J'ai pas le temps de chanter dehors, c'est la chaîne. Faut pas que je me laisse aller. J'ai pas le temps de chanter dehors, c'est la chaîne. L'enfant l'a mandé salé. Faut pas que je me laisse aller, aga. Fasciné par les voyous, je voulais leur ressembler. Mais leur cœur était sec et je le ressentais. J'essaye de rester un gosse. Y'a que quand t'es un gosse que t'es heureux semblé. Je me sens très faible, mauvais rejeton. Je fais un rejet quand les gens sans cœur viennent se greffer. Ma mère, elle pensait pas que j'y raisonnais, que j'élargirais mon réseau prenant des risques irraisonnés. Des risques que j'en ai pris, gars, ça partait en tape débile. Je me suis retrouvé à la brigade départementale des mineurs. C'était l'âge, fallait que ça passe. Après la haine vient la paix. Comme elle a du mal et qu'elle chabase. On m'a dit maîtrise ta colère. Est-ce que j'étais triste à tort? J'avais la directrice à dos. Est-ce que c'était qu'une crise d'ado? Un parcours vrillé. Un samedi soir en garde à 20 mec m'a dit t'es là pourquoi? J'ai répondu je suis là pour briller. Feu dans les bacs. Richie à la pointe. Yeah, yeah, yeah. Va pécho, va pécho. Yeah. Escrew l'entourage. Panama Bende, phénomène business. Yes. Senzu. Le Planète Rap avec Nekfeu, laisse aller à l'instant sur Skyrock. Ouais. Extrait de feu. J'en suis super fier de ce morceau. Bon, il y a du monde dans un instant, on fera un gros live, un gros freestyle qui se prépare. Ouais, là, d'ici, d'ici. J'en transpire déjà, Fred. Tu veux qu'on attaque après la pub direct ou pas? Bah, franchement, si tu vois pas d'inconvénient. Il y aura un freestyle par téléphone. Freestyle par téléphone et juste après on attaque. Vas-y, bah franchement, si ça va. Tu veux présenter un petit peu aussi qui est. Il y a évidemment le escrow, on le disait, qui est là. Il y a le escrow, il y a 2R Washington, Mekra, Framal, DJ Elite, ça c'est le escrow. Le escrow, il y a le escrooms, donc il y a Dooms, il y a l'entourage, il y a FG, il y a Jazzy Baz, il y a Jean Burbigo. Je sais même plus quelle tête de l'entourage est là à part ça. Je crois que c'est tout ce soir. Il y a Dossé qui vient de nous rejoindre dans les locaux. Dossé qui fait son apparition. Ouais, qui m'a fait l'honneur de venir pour kicker ce soir. Je suis suivi de près par Oumar, qu'on salue aussi. Le Planète Rap avec, avec Nekfeu. Et donc il y a le phénomène business, Saiga et John H. Ça c'est les gars sûrs, c'est le label, c'est Senzu. Je vous invite à aller regarder ça. Il y a le Panama Bende, je peux dire des petits jeunes parce qu'ils sont plus jeunes et c'est des tueurs à gages. Je vous conseille d'aller voir aussi tout ce qu'ils font. Panama Bende. Panama Bende. Ouais. Exactement. Des gens que tu suis de près. Ça va bien. Ouais, ça c'est des gens que c'est même pas que je les suis de près, c'est que j'essaye au maximum de faire tourner leur son et tout parce que je les trouve super chauds. Pareil pour le phénomène business et eux ils me donnent beaucoup de force aussi et nous c'est le collectif qui prime et quand un mec est bon, bah on est obligé de reconnaître en fait. On a envie de se frotter à lui, de rapper avec lui, de faire des freestyles et voilà quoi. Et bah ce sera tout à l'heure dans l'émission. Et puis un petit mot donc sur Dossé, tu disais Dossé. Bah Dossé c'est un rappeur que je kiffe beaucoup. Je lui ai proposé de passer. Et voilà, ça me fait plaisir qu'il donne de la force. D'ailleurs, il bosse avec Richie, qui est censé être là, mais. Mais qui n'est pas là. Bonsoir tout le monde. Ça va bien, Dossé? Ouais, cool, et toi? Bah, en forme. Au calme. Un petit mot, tu as suivi un petit peu les événements avec Feu. Ouais. L'album de Nekfeu. Ouais, bien sûr. Bon, après, je ne me le suis pas encore procuré, mais je n'ai pas tardé à le faire. Ouais, bah écoute, en fait, on se connaît depuis très peu de temps. Ouais, c'est ça. Ah, vous étiez pas. Non, non, c'était même pas croisé en fait. C'était jamais croisé même, tu vois. Mais moi, j'ai écouté des trucs à toi au studio de Richie d'ailleurs. Ok. Ouais, ouais. J'ai écouté des trucs en secret comme ça, je suis pas au courant. Ouais, ouais. Il a déjà écouté le prochain album, figure-toi. Ah ouais. Non, j'ai écouté des trucs super chauds et j'ai kiffé parce qu'il est super technique, il a des bonnes phases et voilà, pour moi, c'était cool de faire la connexion là sur le Planète Rap, tu vois. Yes. En tout cas, merci de l'invite. Non, normal. Et bah Dossé, il y a Freestyle qui se prépare juste après la pub. T'es prêt? Ce qui paraît. Prêt ou t'es venu ça va. En toute décontraction. cool. Bon, bougez pas, le retour de Planète Rap avec Nekfeu, avec toute l'équipe dans le studio. Vos messages aussi. Le hashtag c'est Nekfeu sur Skyrock. On revient après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Nekfeu pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Nekfeu. Planète Rap Nekfeu toute la semaine avec l'album Feu. Yeah. Depuis lundi dans les baquets, dans un instant, gros freestyle. Gros freestyle. D'ailleurs, il y a mon gars Richie là qui vient de rentrer. Ah bah Richie. Mais je le connais, je sais que je le connais. Bah, Richie. T'es obligé. Si tu travailles dans la musique, t'es obligé. On l'oublie pas en plus, hein, Richie. Ah ouais. Ça, c'est mon gars, il est super talentueux et c'est sûr qu'on va continuer de bosser ensemble parce que. On est sur la même longueur d'onde, donc voilà. Et bah très bien, dans un instant, donc du live à pas louper. Yes. Et on avait dit freestyle par téléphone avec Bonnie de Lyon. Salut Bonnie. Salut. Ça va bien? Ah, ouais, tranquillement, et toi? Bah écoute, en pleine forme, bienvenue. Salut, dans le Planète Rap de Nekfeu. Mais merci beaucoup. Est-ce que tu c'est l'honneur. Est-ce que tu t'es procuré l'album Feu? Mais bien sûr que oui, en précommande, bien avant. Et donc tu l'as eu? Ça y est, t'as bientôt reçu? Ouais. Pas mais même, j'étais étonné, il y a carrément deux CD carrément. Ouais, t'as un petit. C'est parce que t'as précommandé, donc il y a le morceau bonus au cœur du G. Ça me fait plaisir. Et ouais, bah ouais. Merci. Faut bien, hein. Tu vois, Bonnie, c'est pas une normal, limite, hein, c'est sûr. Je te suis depuis ta vieille mèche, là. Bah alors, tu me suis toujours. Hein. Toujours voilà. Depuis ta vieille mèche. Pas. Si, si, Bonnie. C'est une carrière à Bonnie, un peu. Non, mais c'est affectueux, hein. Bonnie a clash. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bam. Je l'aurais rencontré à l'époque. J'espère que tu auras bien pour te la raconter comme ça, Bonnie. T'aurais sorti un truc sur la mèche. Ouais. Franchement, j'espère aussi pour moi. Vas-y. Et bon, t'écoutes, c'est parti, Bonnie. Vas-y. Ah. Ah. Yo. Ah. Ok. Ils ne voulaient pas nous entendre, vous en rappelez, ces connards ne nous aimaient pas, vous vous en souvenez. Ils nous prennent pour des jeunes bas étages, car en habitant au détour, ils devraient faire gaffe, les êtres machinisés prennent quitte la poudre. Ayat et Denis, c'est prise du riche, nage dans mes propres affiches, parfois mise en propre lors des milliers et nuits à réfléchir. Je reste ouverte à autrui, mais n'oublie pas les vices du service, où l'obotomisé sont les esprits faibles, les monopolisés des imbéciles. Tu te souviens sûrement vaguement de moi, souvent en sous-marin, tu sais, j'aime pas me faire voir pendant qu'ils détournent des avions de chasse. Je garde mes positions sans aucun moyen de pourvoir. À l'instar de Slide et Bonnie, nos générations connaissent les barreaux par cœur. Parce que je crois en ce monde, c'est l'histoire du créateur et des âmes sœurs. Les pays exploités étaient les plus riches avant d'être pauvres. Les vrais riches sont sachant qu'on passe sur la note. Donc je compatis avec les gens au regard d'années. Physiquement jeune, mais vu notre vécu fait sa 40e année. Je me présente pas dans le rap par envie. J'ai créé Craig, je suis hier. Je veux juste faire ce que j'aime et vivre pleinement chaque vie. J'invente trop de choses pour qu'elles fassent en mer avec moi. Donc je sors aujourd'hui. Rien d'incroyable, je avec les mots quand d'autres jouent avec les sentiments de fruits. Merde, je suis désolée, j'entends pas l'instru. Bonnie, can't you see? Bonnie, t'es chez Free, toi aussi? Ouais. Oh, galère, comment tu sais? Parce que c'est la galère, le réseau. Désolée. Ouais, tranquille, c'est bien, c'était à l'ancienne. Bonne instru et tout. Mais oui, ça m'a. Ouais, je suis dégoûtée. Des souvenirs de freestyle de cabine. Il paraît que c'est super dur par téléphone. Mais franchement, j'entends que dalle, j'entends rien du tout. Bonnie, ne t'inquiète pas. Où est-ce qu'on peut aller écouter des sons à toi? Vas-y, balance les bah, les infos. Non, justement, je suis en train d'enregistrer celui-là sur une prod un peu. Un délire céleste, un peu. Si, si. Un délire céleste. Ouais, mais faut dire aussi, tu vois, là, franchement, je suis. Enfin, ça se voit à ma voix, je pense, tu vois, l'état dans lequel je suis. Bah non, tranquille. Mais non, tout va bien, Bonnie. Je dis ça, ça va tranquille, mais bon, tu vois, ma t'es voix... T'es où? Bonnie, tu es à la maison, là. Ouais. Tout va bien? Tout va bien. Donc voilà, bon, on te fait un bisou, en tout cas, merci d'être passé ce soir, Bonnie. Merci beaucoup. Yes, c'est de rien. Salut. Bisous, passe une bonne soirée, merci d'être passé en freestyle, 20h25, on avait dit 25 minutes de freestyle, on peut attaquer maintenant. On est parti, DJ Elite, si t'es prêt? Si Elite, j'ai l'impression qu'il est chaud, on peut y aller. Coup d'envoi. Du... Feu. Ouais. Check. Ça fait. Je suis sorti du ventre de ma mère pour sortir l'album de l'année. Les autres vendent de la merde. Je l'ai fait sur mon propre label. Dis-moi, c'est quoi l'album de l'année? Feu. Je suis sorti du ventre de ma mère pour vous faire l'album de l'année. Les autres vendent de la merde, je l'ai fait sur mon propre label. Dis-moi c'est quoi l'album de l'année. Ouais, je suis sorti du ventre de ma mère pour vous faire l'album de l'année. Les autres vendent de la merde, je l'ai fait sur mon propre label. Les gars, c'est quoi l'album de l'année? Je suis sorti du ventre de ma mère pour vous faire l'album de l'année. Les autres vendent de la merde, je l'ai fait sur mon propre label. Ouais, c'est quoi l'album de l'année? Comme Walter White, j'ai mes claques, moi la bise. Sœur, serre-moi la main, frère, claque-moi la bise. Je ne côtoie que des avions à la carlingue parfaite. J'ai beaucoup plus de goût que Karl Lagerfeld. Le monde de l'art est vantard, ils te vendent du street art. Mais ne veulent surtout pas voir mes scarlagraphés en vandale. Tu peux ressortir l'aura dans nos raps. Sortez les anoraks, on aura bientôt l'orage selon l'oracle. Ma conscience m'a dit qui es-tu. Veux-tu vivre dans le vice ou dans la qui es-tu. Ça dépend où elle pèse, on doit être wet, wet, wet. Mais ma plume passe du Welbeck de Welbeck. Ici on est vite tenté, il vaut mieux que tu vives ta quête. J'ai entendu vite ta caisse, le lendemain les flics enquêtent. Feu. J'suis sorti du ventre de ma mère pour vous faire l'album de l'année. Les autres vendent de la merde, je l'ai fait sur mon propre label. Les gars, c'est quoi l'album de l'année? Feu. J'suis sorti du ventre de ma mère pour vous faire l'album de l'année. Les autres vendent de la merde, je l'ai fait sur mon propre label. Les gars, c'est quoi l'album de l'année? Feu. J'aurai des millions que j'me questionnerai. Dans quelques années, je me demande qu'est-ce qu'on aura. Un petit, je ne savais pas que les keufs m'espionneraient. Jamais j'démissionnerai, même si Voltaise mon aura. La voix de la thèse dans l'oreille. Mais dis quoi, frère mal? Faut qu'on encaisse dans le rap. Manta d'acier, t'as les chefs de guerre. Dis-moi, tu vas ken lequel? Je ne vois que des mères de guerre. Je vois pas comme les chaînes de gay. Elle rêve d'être avec moi dans un fiançaille. Pour que je ne regarde plus mes finances. Inch'Allah, je ne mettrai qu'une fille enceinte. Prie mon Dieu, mais je reste silencieux. Pris dans le jeu, c'était une évidence. Pris dans le feu, qui sort seul mes fiances. Faut que tu prennes tes distances. Vide moi le froid en noir et blanc comme les films anciens. Quand on est sur scène, c'est l'empire byzantin. Mon équipe prend dingue les pires depuis bam bam. Boum, bim, boum, boum, boum, boum. J'ai sorti l'album de l'année, les autres vendent de la merde. Les autres vendent de la merde, check, check. La nuit je sors sans but comme un somnambule. Y'a certains rêves que les hommes n'ont plus. J'ai vu cette fille, on était seul dans le bus. Elle avait les yeux rouges, elle avait pas seulement bu. Elle avait de la cam dans un sac Balenciaga. Elle s'est fait canner, c'est ça Balenciaga. Dans Panam y'en a qui se perdent, y'en a qui espèrent. Péter des sapagnes, belle et Nike SB. Dehors c'est froid, y'a plus d'humanité. Un homme est mort inanimé devant un immeuble inhabité. C'est la crise qui escalade. Toi, moi ou le suicidaire qui escalade toi. Si Dieu veut jusqu'à 120 ans, voilà mon espérance de vie. Toujours dans l'excellence, tu connais mes préférences. On est vraiment des références de style. Dans l'équipe, aucune déviance. On ne tolère pas la médisance. On est méfiant. Choisis ton camp au lieu de rester entre deux fils. Tant que je n'ai pas le million, tous mes égo trippers resteront de l'autodérision. Besoin de cause gaudrée pour quitter ce monde de merde. Je me laisse aller avant de prendre une autre décision. Trop de menaces et de coups de grâce pour des loups. Je le sens tout de suite quand un traître tape mon épaule. Ne le vois-tu pas de quoi tu parles à part de ton égo? Moi, rester à ma place, ce n'est pas dans mon créneau. Et on dit quoi, on dit quoi? Faites du bruit la famille si vous êtes là. Dossier. Feu. Oh mon gars, n'est que feu bien ou quoi? Planète rap. Ça fait. Je veux que Def Jam signe mon chèque. Ouais mon putain de chèque. Je veux que la SACM signe un chèque. Ouais mon putain de chèque. Je veux que Def Jam signe un chèque. Ouais mon putain de chèque. Je veux que Def Jam signe un chèque. Négro, faut de la maille. Ouais mon négro, faut de la maille. Rebeu, faut de la maille. Ouais mon rebeu, faut de la maille. Babtou, faut de la maille. Ouais mon babtou, faut de la maille. Babtou, faut de la maille. Ouais mon babtou, faut de la maille. Yeah. J'dors les yeux ouverts. J'parle avec les esprits. Je fais souffrir car j'ai souffert. J'ai fait des erreurs, aujourd'hui j'en paie le prix. J'suis bon car puisque j'suis. Mes raisons, mes torts, c'est ça être vrai cousse. Et foutre des fous dans mes clips que moi-même je ne voudrais ni comme sœur ni comme épouse. J'suis qu'un fou parmi des cons. En vrai, je sais même pas dans quoi je suis. Ces bâtards me critiquent. Si je les laisse ouvrir leur gueule, c'est juste que j'aime savoir dans quoi je suis. Je lâche des perles en stud, mais je crois que l'industrie n'y voit que chi. Et ma voisine du dessus me regarde comme si j'étais un frère, quoi. Chi, on apprend à se faire tout seul, vu que le système nous néglige. On deal en croyant être crête parce qu'on se fait marquer comme une pute dans une église. Je rappe pour mes rapzous. Je rappe pour mes niggas. Blague, blanche ou beurre, je les aime toutes du moment qu'elles remplissent leurs leggings. J'inspire Tupac, flow, sale comme l'argent de la big grave. Frais dans les clips à t'en faire croire qu'être négro en France n'a jamais été un handicap. J'pratique le haut débit numérique. Toi t'es un faux mac mais une pute véritable. Moi je me mets à nu, mais je suis pudique. Un peu comme une actrice X en niqab. Beaucoup ils font les hlèles mais qui les baise en chèque gars. Y'a ton ADN sous la semelle de ma skate bah. Micro semi-auto, j'appuie sur la chèque gars. J'ai perdu au loto donc j'ai bibi la selle. Je suis avec mes potos, capuché, skate gars. Trop chaud, loco, abusé, test pas. Ton équipe est glow, c'est prête à gober des chibros. Mon équipe est glow, qui est prête à te voler des litres. C'était chaud. Yo, tu veux tester mes salauds, ça fait bang genre salut. Frère, si je t'allume, c'est que je suis prêt pour le salut. T'es pas de la mif, quoi. Parle-moi bifou, parle-moi de profit. 10 kilos de weed, 1 kilo de chitlo, tout ça blanchi. On fume le matos, mes vatos vont brûler ces rappeurs. Ça sera du gâteau comme votre gueule du gâteau. Merco Benz, vite teinté, grosse boisson, c'est la moisson, les mousseaux sont de sortie. Hey. Miss Tinguette, rentre dans le VIP si tu veux changer de vie. Si tu rentres dans le lit, sache qu'on rentre dans le meal. Merde, tu es un hot nigga. Les gars, va derrière, one no come get god nigga. Mon équipe pète les scores pendant que tu te fiches à ro. Robert Renoir, Babtou Chicanos. Tes négros soft ont tes chicha rose. Suffit pas de pomper tous les rappeurs de Chicago. Motherfucker. Feu. Doomzer. Hein, S-Crooms. Elite, balance la suite. Yeah. Feno, man. Hein, allez. Hologramme l'eau à la prod. Big up, frérot. Busy Baby. 9-4-4-0. Rien à dire, tout à écouter. Yo. Gazos plaque et matraque, la capitale est yon. Bici ni fleuve ni lac, juste une scène l'Aztec. Donc allons-y, fuyons. Entre les buts, les connasses, les gars nous trions. Ville la sente mais nous rions. Donc j'accomplis mon triomphe comme l'arc. Imagine la tour Eiffel se faire amputer. Boum badaboum, encore un cap vient de se faire buter. Le pognon c'est le thème, l'opinion de ces débiles n'est pas l'essentiel. Sans gêne, c'est le défilé des pigeons avec ou sans ailes. Certains prix de dégoût deviendront des scélérats. Sortis des égouts, les bourges nous regardent en se disant c'est ça les rats. La street d'un mauvais ragoût. Fast et une et ça les traces, assaisonné de plus de goût, ça vaut le coup, mais ça c'est rare. J'voulais porter le Starco, mais les keufs m'ont mis les pinces. N'en écoute pas Sarko, ici seul le parc est un prince. Au plus profond de mes sons, j'ai vu cette lueur lunaire. Sans aucune honte, j'vous présente le côté sombre de la lumière. Ici à Châtelet, des deux côtés du périph' vont gronde, drogue, sexe et noctambus. Voici la capitale du monde. L'hiver est rude, la neige tombe et se faufile par le zen. Les mecs sont brutes, et puis te plombent dans les nuits parisiennes. Ici à Châtelet, des deux côtés du périph' vont gronde, drogue, sexe et noctambus, voici la capitale du monde. L'hiver est rude, la neige tombe et se faufile par le zèle. Les mecs sont brutes et puis te plombent dans les nuits parisiennes. D'ici à Châtelet. Ouais. Je repars en balle, Châtelet et volume, voilà sur les champs. Phénomène business. Comme à Châtelet, y'a de la chatte, frère. Hologramme, l'eau, la prod. Paris, ville, lumière. Ouais, bienvenue dans la capitale. Ça comme Thiago Silva, porte le brassard d'El Capitan. Nous porte à croire que c'est mondain. Donc les touristes dépensent plus. T'as tu fait devant ses sangsues, donc j'pense plus comme Grodin. Les cloches largissent sur le sol, les killers dans la scène. Des péniches en façade, cachant les cadavres, enfuis dans la scène. La fréquence des contrôles varie de passé à baisse par entre le 16ème et le 18ème, y'a que le 17 qui sépare. Yo, embrasse le peuple de Dakar à Brazza. Une odeur de bazar, ici ça fouette comme la madrasa. Ouais c'est Paname ça, des rats aux dimensions de macro. Assume la cité des arts, un concert par arme de métro. Efface le cliché, Bérégon dans les cornemuses. Et pour les fraudes de bus, devant les leurs, on change de place comme Cassus. À la différence de Tochi, ici les roms vident les bennes. Et c'est pas les mecs du 19 qui diront que la ville est belle. Tiens, hologramme l'eau, c'est l'exclu phénomène business. Hologramme l'eau à la preuve. Numéro 1, mon pote. Senzu. Eh, hey, ça vient de Vitry, suivez les phénomènes business. Hein, 94. 94, phénomène busy, on bosse. 94, check. Hein, dans les dédales de Paname, je n'ai pas décalé. Je me balade pas loin des halles où les dalles parlent mal de la femme. Et je déballe des tas de faces. Au départ, je n'avais pas de passe. Mais je tape et les rap sales que je lâche, je te laisse pas trac. J'aime pas les paperasses, parle pas de ça. J'ai le bac, mais le choix de ma vie, c'est trap et la night. Ouais, ça, c'est ma life. Et j'ai pris des tas de claques, brillé tard le soir. Et crié par la bac, c'est pas. J'ai gratté pas mal de face de malade. Si j'ai traqué ta femme, c'est un acte banal. Et je plane dans le calme, flâne. Quand je tape, j'ai pas le temps de parler aux fans, à part au taspé. Et feu est dans la place. Panama Bend est dans la place. Yeah, c'est dans la place. Yeah. Jazzy Bass. La vie est ainsi faite, envier les alliés du système. Chaque matinée sur le palier, le cœur habillé de tristesse. Les yeux rouges écarlates, rentrant d'une soirée banale. Boire et foirer sa life dans l'espoir de croiser la joie. Gars, je te croyais capable, pourquoi tu détruis pas comme nous? Réduit dans des débris d'alcool, croyant que Dieu pardonne tout. J'attends que les juges de mon âme me condamnent. Qu'ils se demandent si je suis têtu ou si j'ai eu le gros choix. Me convoit tant pour que débute un constat immoral. Comme mes pensées emprisonnées dans les cellules de mon crâne. Mes gars se foutent de la sentence. Et toi quoi? Quoi la peur, yo, c'est tout ce que t'as dans le ventre. Je me suis retrouvé en présence de la démence. Chemin faisant dans l'indécence, la route tournée. Mais dans quel sens, hein? Est-ce qu'on avance ou on recule, hein? Dans cet enfer, le temps nous joue des tours et la roue tourne à l'envers. T'es du père si tu crois que je récupère des écus. Lorsque j'énumère mon vécu, mec, j'aurais dû faire des études. Dans les rugères sans vrai but. La vérité c'est que ça me rend fou comme ces rages méprisants, me disant que je ferai pas de grands coups. D'une vie fade et sans coups, je craque, des fois je pète mon câble. Sans tromper pour compter du fric comme un expert comptable. La vie me pêche frontale, ils font les pierres, mais tous mes frères ont mal. Pas de cœur de pierre face aux pierres tombales. Feu, feu, feu, feu. On dit quoi, Yas? Feu, feu, feu, feu. Feu, boy. Feu, feu, feu, feu. C'est la famille, ça. Feu. Les mains sales et la rime propre, Paris Nord en pleine forme comme d'hab. Le ciel est gris comme ton Macintosh. Mac type Bosca dans le Bronx. Les macs, les putes, le crack c'est une mat, c'est stupide. Mais je connais ça, malgré l'omerta, t'inquiète que nos mères savent. Viens tester les notes, tu t'assures ton corps sera méconnaissable. Toujours dans les business, bizarre, Krisner, Inage n'est plus de temps, ni même de visa. Je vis ma vie chaque milliseconde. Les négros qui agissent comme des bitches me gonflent. Je reste vrai, même si c'est vrai que les vrais négros irritent ce monde. Le contraire se tient aussi, sors une veste en cuir par-dessus un taquiné comme Saïd. On bricrave même à l'Aïd. La débrouillardise du pirate des Caraïbes. Hustler de luxe, longtemps que je cogite sur le métier. On loue un appart en face du comico pour les surveiller. Trouve-moi dans un sombre côté du squat. J'ai le crack au sol, j'ai ta meuf a du mal à perdre du poids. Si, issue dramatique, l'automatique m'a dit la technique est street, breakbeat et spliff. Esquive les flics et les balances, même si des fois c'est pas si facile. Je préfère ça qu'être celui qui reste passif, assis sur le bois. Garder les gros culs et les dollars qui tu passes à Ola, je rime ça, l'aspect Ola, bicrave. Et même à l'intérieur, qui suis-je pour ne pas mailler en liberté? Si t'aimes pas, t'es un illettré, cousin. Est-ce que tu captes? On veut du calme. Tire deux fois dans le ciel, les gros, j'ai cru y voir les yeux du diable. Yeah! On dit quoi? Yeah! Hey! West West! 86 June! Hey! 86, June speaks, set that nigga in history. What? 86, call me 86, yo, June bitch. You can take a pic or take a pic, post the Insta flick. Got your girl all on my hip, don't act like you ain't heard that. But when I speak, you niggas pissed. Flipping this door, if you had it, I got it. Your hustle loader, no worry, who watching? So sophisticated, ain't no one I've been watching. Still niggas wanna hate you, till somebody comes knock it. I ain't gangsta, but I'll break necks. I work for mine, deserve all these checks. Took chances, nigga, won all my bets. I'm a man, nigga, saw all my threats. Ain't worried about it, look at me. I paid no mind and kept my eyes on me. And you still broke, and that talk is cheap. This Muhammad trying to go get Ali. Fist fight in that mirror, nigga, like Rick Hill. Rockin' Hill, figure I'm, DMX. Oh, yeah. Hey, ça c'est le photo tune de LA. Faites du bruit la famille. Belle qu'un Panama Bende. Tous tes rappeurs c'est des mythomanes en puissance qui rêveraient d'avoir le flow et l'épopée de qui je pense. Beaucoup trop longtemps que j'irais que je leur mets des distances. 2 millions maintenant je bosse avec un 6. Heureusement que j'ai des gavas qui sont là pour moi. Cette michto a levé mon porte-monnaie, pas la bague au doigt. Les rappeurs les éliminer, ça ne me fait pas peur du tout. Trafic du pain, la même peine que Marc Dutroux comme d'hab. Je suis posé à PDM, bisous et nœud qui la ferme et qui laisse passer les liens. PLK, Panama Bende. Ouais, dans ma BND on est 7, on peut te faire chier toute la semaine comme une merde dans laquelle je viens de marcher. Les MC sont tous moins sales, on m'a. Ouais, dans ma BND on est 7, on peut te faire chier toute la semaine comme une merde dans laquelle je viens de marcher. Les MC sont tous moins sales, on m'a dit passe le mic. On a le cœur mort et les mains dans la merde. A chacun de nos actes, on se rapproche de l'enfer. Perdu dans ma matrice, j'ai la grise mine de Gandalf. Tu veux un feat pour ton smic, on en reparle. Arrête, je suis un prodige, mais j'ai déjà déconné, donc bébé, c'est pas trop ma bite. Même si je sais que je suis pas comme les autres et que le médecin l'avait dit lors de l'échographie. J'ai des plaies, je peux les rapper des heures. Après j'ai appris que j'ai jamais voulu être célèbre. Je me réveille dans une Mercedes neuve. Car hier j'ai noyé ma peine dans la Belvédère. J'ai des plaies, je peux les rapper des heures. Après j'ai appris que j'ai jamais voulu être célèbre. Je me réveille dans une Mercedes neuve. Car hier j'ai noyé ma peine dans la Belvédère. Où je bois des bagarre. À la santé de ceux qui voulaient nous mettre des brancards. On vole pas un voleur, va t'occuper d'Ogar. Moi aussi je suis un rappeur, je suis un rappeur au gamme. J'ai la tête sur les épaules et les épaules dans la piscine. Pas ton pesto dans un resto de la cité. Tu côtoies des vieilles gos, moi mes renoues que des missiles. On fréquente des télos mais tu me verras jamais à l'été. J'ai la monnaie, collègue, un coup fume le pollen. On est 7 sur scène et pareil qu'on est en colère. Toujours au B, Jean-Pierre, direction le soleil. Je rappe 7 sur 7, je suis le meilleur depuis le collège. Jamais à l'heure à mes rendez-vous, excusez-moi messieurs. J'avais mieux à faire, je suis allé manger sur les quais. Après je comptais venir mais il y avait des fans sur mes côtes. Ils voulaient des photos et je suis mauvais à ce jeu. Si tu me vois dans la rue, s'il te plaît, ne m'arrête pas. Fais des bails, j'ai ma tranquillité et m'arrête pas. Si ce flic ouvre sa gueule, mettez-le dans la caisse noire. Nous n'avons que notre liberté en guise d'espoir. Play, Panama Bende. Feu dans les bacs. Play, allez le chercher. Panama Bende. Bende, Panama. O-R-M-A-Z. Ose. Feu. À peine inconnu, salope de plus me parasite. À peine reconnu, les jaloux se font plus par un sim. J'ai pas lu l'avenir, mais ça se voit que ce monde est condamné. Donc avant de partir, je dois finir tout ce que j'ai commencé ici. Là où ça pue la mort, la drogue et les keufs. Là où les peuples s'entendent entre musulmans, chrétiens et feux, j'fils. Le prestige se gagne en travaillant, pas si tu suces. Le crime paie, mère à de gloire dans ce Nesby. Surtout sors jeu car je suis défenseur avec un gun. Des défoncés sous Rome, j'écrirai mes versets sous le porche. On a tous bicrave. Non, pourquoi tu te sens pousser tes couilles, biatch? Reste cool, c'est pas la Gucci qui fait l'ascar. Alors qu'on sert l'écoute, sert à rien vu que tu sers à rien, putain. Prétends tous, fais du boucan, je pourrais être craint, manger le cran. La haine, le seum, quand je serai grand, je voudrais le bif être à l'abri avant de claquer ses seufs. On peut te faire chier toute la semaine. Comme une merde dans laquelle je viens de marcher. Les MC sont tous sous ma semelle. Le mic on me l'a donné un. Ok rap bon. Mon rap est frais, mon rap est tir. Consommer avec modération. Sinon tu risques de te blesser. Le beat, je veux le dresser. Sache que même si je flippe, tu me verras pas les yeux baissés. L'internaute, si t'aimes le rap, viens voir ma page. Dans mon équipe, on garde la tête haute. Dans l'espoir de pas boire la tasse. Écoute ce beat. Mes Rockick Stone. Mais ça, ça bouge pas depuis les Beatles ou les Rolling Stones. Je connais mes basses, j'ai relu mal son et je vote la paix. Fais comme moi, écoute ces basses. Mets le volume à fond et hoche la tête. Je lâche que des faces, que des faces néfastes. Tous les blazes écoutent, les MC sont sous plaque d'ego et non déplacement facile. Là, perdre sa valeur dans ce monde où l'argent fascine. J'aime trop cette tension dans la salle lorsque les fans attendent l'artiste. 18 ans à peine, quoi. Tu vois que là je ne fais rien. Le beat prend déjà tarif et pourtant là je ne fais rien. Je ne fais rien qui n'aime pas rester seul. Ouais, un frère hôtel dans la main gauche et avec l'autre ma belge qui a resté seul. ASF Panama Blende. Merci à Ken pour l'invite. Feu dans les bacs. C'est le binôme infernal, sur le matos, prends le pédo. J'crois bien que ça va faire mal comme le lapin dans le métro. C'est pour mes gars de Mersco qui font du bif, arrête la haine. Tu kiffes avec la tête, c'est pas ton kick avec la tech. SNET sur SNET, j'l'ai fait hop, j'l'ai ferai. Pour l'instant, j'suis dans l'optique de gérer des Rennes Z. La recette, quoi, on cherche tous à sa procurer. Faut que le procureur, trop curieux, ça a trop duré. Tu, j'me dis tu les tous, j'compte même plus les douze. C'est pour tous mes cous, équipé d'un putain de boulet brou. Faut-il un style sophistiqué? Ouais, on est pour les flics, faut-il kiffer? Hein? C'est ce que je me demande. Quand je me dis qu'faut que je les démontre. Delta Ma, je reçois plein d'amendes. On massera pas la loi, je suis pas un badawan. Voilà rien d'un balavoine. Je parle à toi quand t'as pas la niaque, tu masseras pas la douane. C'est leur père qui rime, je viens de Belly City. Tu le best, tu veux test, on a un bang, bang, bang. C'est pour tous mes refs qui fument de l'herbe à l'air frais. J'aime quand une voiture de queue me laisse traverser. J'adore ça. Yeah. Fais dans les packs. Un, ça fait. Check, check, check. Un. Ah ok, ça fait, check, ok, hein. Parfois j'ai envie de tout faire péter pour qu'il ne reste rien de ce désordre. Ils se battent plus pour restreindre, mais restreindre ceux des autres. Ok, ça foire, donc c'est pas grave, j'pars, c'est pour ma poire. J'me fends la poire, rien à faire, mec, tu auras, je bois. Ah, c'est comme ça que ça se passe, mec, j'compte pas pour du bois. C'est pour tous mes potes qui prennent du bois. Hey, qui va kicker ça? Gagne un peu de temps pour le prochain. C'est comme ça que ça se passe, ceux qui se font grosser. J'aime aussi les gros seins, hein. Yeah, FG. FG, l'entourage, elle apostrophe. On dit quoi? Ouais, feu, on dit feu, tout le monde dit feu, yeah. L'entourage, bébé, l'entourage. Je suis Baskin, même en polo, Fred Perry. Tu le sais, je suis le best, elle est loin l'époque de Hail Mary. J'expérimente des flows qui vont te faire périr. Pour les faux, ça risque d'être terrible. T'es en Vox, Itano, Jersey, nos vestes, Eddy. Meilleur textile, le dernier cri. Ces MC pousseront, risqueraient de me faire plaisir. Gardez vos beats, je suis l'homme qu'elle désire. Je débarque, qu'elle vienne célibre. La vie c'est si hard, estime-toi frais. Si ta tam, il fait des bifs à faire. F, G, stop, fuck tout ça. Quand je gratte, c'est de la frappe, il faut que ça cogne tout bas. Face au F du L, qu'est-ce tu testes, mec, tu perds. Tu fais le fou, mais t'es trop doux, tes potos t'appellent my boo. Mes bulles des restes sur tes frères, tu sais. Trop c'est un débat, tout qui rappe et casse tout. Hey, comme si on allait s'arrêter. Je vais pas m'abaisser à ça, mais je vous mets la fessée. Elles veulent caresser ma barbe, car il paraît que c'est de la pâte. Elles voudraient se faire graisser la pâte, au moins se faire lécher la chatte. Laissez-moi, je kick pour mes homies. Tes sons saoulent plus qu'une bouteille d'eau de vie. Je les écoute, fonce des pompes, faire vomir. Yo, yo, yo, dealer bigo, quoi de neuf, hein? Yo. Je sais ce que j'ai à perdre, je sais ce que j'ai à gagner. Toujours pas de Rolex au poignet, j'irote ma mauresse compagne. Restons calmes, restons parés, que les commères restent au palier. J'ai la fierté dans le sang, tout comme mes collègues au rané. Leur rap game, c'est un putain de truc de putain. En une semaine de planète rap, boit plus de pute qu'à Bucarest. Je me prends plus la tête, ça vaut plus la peine. Tu crois que tu m'arrêtes, je te coupe un bras et puis je t'encule avec. Je te crève un œil avec ton propre orteil. All black comme le croque-mort, requiem post-mortem. Je suis fort, mais je me sors des trésors d'Orphée. Commence doucement. Finigore comme Hostel ou Dorsel. Présente-moi tes jolies boss, je leur présenterai mes lollipop. Elles m'appellent tous le polyglotte. Je maîtrise la langue jusqu'au litote, la France jusqu'au hip-hop. Je redonne de l'espoir au game, je redéfinis le mot hip-hop. Dieu, bigo, je vis le game jusqu'à ce que je bande plus. Ils vont tous crier mon blast comme s'ils avaient mes plans cul. Bigo, qu'ils crèvent avec leurs 16, je tape. Rêve de les boire en sang, les soigner avec du sel de table. Me cherche pas ou tu risques de perdre. Tout le monde a vu mes RC, j'ai percé sans sucer de verre. Putain, qui peut en dire autant? Sûrement pas, c'est tir au flanc. Je tire au but, je tire au centre. Pris au ventre. Bigo. Bigo, bigo, Panama Bendé. J'suis rieur, c'est curieux. Je ne dévie, retourne chez tes vieux. Non, sérieux, j'suis meilleur même si je fais rien. Chop dans ce bis comme un cop dans le 6 ou un mafieux méfiant. Comme un amiope dans le viseur. Il y a des milliards de choses que je veux, illico presto. Mini bar GoPro, mes whisky frappe resto. Ils se blessent pour des valeurs ajoutées. Mais je laisse faire, il me reste quelques rappeurs ajoutés. J'me fiche de l'égalité des chances, vie. Pour les lyrics, c'est la qualité des gens. J'me relaxe, plif sur quête scène. Et on m'a dit que j'excelle. Quand je rappe, t'es vexé. Désolé, je suis next level. Roule de longue batte pour éviter qu'on boit. C'est ça, double contact contre ma bite et ton gloss. Silence, avec les vilains, prendre la distance. On parle de filles, de filles minces et de finances. C'était la session live dans Planète Rap. Entre non, qu'est-ce qu'il y a, Nekfeu? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, ça commence, ça commence. Fred, il nous reste 2 minutes, on va les prendre. Balance une autre prod élite. Je me suis dit, je vais réussir à me glisser tranquillement. Ah, c'est mort, c'est fou. Il n'y a que des mecs qui ont. Allez, 2 minutes, et après on fait tourner la roulette, on retrouve Diffoul aussi juste après, c'est parti. Yeah, ok. Check. Y'a des bâtons dans les roues, mais on roule en char d'assaut. Quand je gratte, c'est comme quand je dégueule tout dans le lavabo. J'avais plus de couches que de cours dans le sac à dos. Je sais faire des sous, mais t'es fou, j'en parle pas trop. Avec les zouzous, c'est bisous et champagne gratos. T'as la chair de poule quand je te touche et que j'embrasse ta peau. Je te fourre sans la bague au doigt, pas de chantage d'ado. Mais je te fais pas l'amour si ton poule sent pas la rose. Moi, j'arpente Paname, tête haute, esprit en bouche. Mais s'il y a des internautes, je file en douce. J'ai rendez-vous, je prends le trône dedans, y'a des centaines de clones qui pour le trône et les petites embrouilles. Ouais. Au lieu de faire de la barre, je vais mettre des goûts entiers là-bas. Ouvre la porte de la barre, mets la capote, j'ai déjà là-bas. Marre de marcher, je veux une des capotes, absortie d'Allemagne. J'ai grandi aux Olympiades, 7-5-0-1-3. Du Hanma, y'en a pas. Marre du crap du Z là. Faut qu'il broie dans ce cas-là. Marre de la petite monnaie, what the fuck. On veut monter sur des gros coups, comme ça on quitte la drogue. Sous l'angle de perdre la dope, marre de peser de la coke. Marre de toutes ces sales connes qui squattent nos bouteilles d'alcool. Elle me dit qu'elle. Mais elle a même pas les fesses propres. Tout ça pour un resto. Tu n'as pas la chatte, trop j'en ai marre des putes de la chatte. Préfère aller baiser des escorts. Marre des stupes de la RHA qui se pose au tabac des sports. Faut que les indicateurs qui discutent aillent avec les porcs. Sauce ban n'est pas d'accord, tout pire passe les rapports. Nouvelle loi contre les rappeurs, je rappe bien, je te l'accorde. Tu sens la rage dans ma gorge, t'entends la haine dans ma corde vocale. Comme un raptor, je fais les bruits de 40 moteurs. Même au lit, je suis hardcore. T'as qu'à demander à ta meuf si c'est toi qui frappe fort. Feu, feu, mes soldats l'œil d'Horus. Je prends mes russes, mes potes comme le bus. Ils portent mon réseau, éclatent les caissons. Des fils de putain veulent le butin, trouve des raisons pour nous tessons. Mais c'est tout simple, prends tes couilles et tout ça, mets des cons, ça bourre la coupe et prends la coupe comme pour Palouza. Mais gros, ça, comptez quand la maille rentre, frère, on fait des places trop. Physique, on n'a pas le temps de perdre. Fini l'époque des sadiques Ken. On passe l'hiver en basket, on dédicace Ken. Je peux continuer quand même, Fred? Non, c'est fini. Demain. Gros big up à tous les gens. Merci à tous ceux qui sont passés. C'est bien lourd. Merci à vous tous pour ce gros Planet Rap. L'album est dans les bacs depuis lundi. Feu dans les bacs, allez acheter. Au lieu de prendre des 10 à Sevran, tout ça. Allez, Pécho, c'est pareil. Et avant de se dire au revoir pour ce soir et de retrouver Diflo, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre le nouvel album de Nekfeu, celui de Big Flo et Oli. Sans chèque cadeau de 50€, plus 100 places pour le Nitro Circus à Nice. Skyrock. Baptiste de Rion, comment ça va, Baptiste? Ça va, et toi, Fred? Planète rap dingue, planète rap fou, c'est planète rap feu cette semaine entre 20 et 20. Ouais, ça va être à l'album, toi, Baptiste, ou tu l'as pas reçu encore? Non, j'allais l'acheter samedi. Samedi, très bien. Ah, ça fait samedi, il y aura de retour dans les bacs parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas trouvé. Rupture de stock, mais c'est, a priori, c'est en. Non, là, c'est réglé, c'est normalement. D'ailleurs, faites-le moi savoir, Twitter, tout ce que vous voulez. Si jamais c'est encore le cas, on va prendre des mesures. Ce week-end, Baptiste, ce sera bon et peut-être même dès maintenant dans la roulette. Dès que tu veux, tu dis stop. Ouais. Parce qu'il y a l'album de Nekfeu à choper, l'album de Big Flo Oli. 50€ en chèque cadeau pour acheter d'autres albums de Nekfeu. Ouais. Par exemple. Bonne idée. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Et bah, c'est la totale. Yeah. Album de Nekfeu, album de Big Flo Oli, 50€ chèque cadeau et le Nitro Circus aussi qu'il faut pas oublier. Hein, c'est un gros show à Nice. Tiens, je connais bien Nice. Ah, je connais bien Nice. D'ailleurs, j'en place une pour tous mes gens de Nice et je te laisse faire ta dédicace, frérot. Excuse-moi. Et bah, on t'écoute, Baptiste, c'est pour toi. Merci beaucoup. Je pourrais passer les dédicaces, c'est ça? Vas-y. Alors déjà, une dédicace à toute ma famille, à mes voisins, à Antoine, à Félix, à Dylan, CR, Eva, Sonia, mon cousin Valentin, tous ceux qui me reconnaîtront de Bourges, du centre, on représente Paul, Youssef, Joe, ceux qui me reconnaîtront, un big up à Nekfeu, Panama Bendé, toute la clique, franchement, c'est très reconnu. Merci à toi, en tout cas, Baptiste, passe une bonne soirée. Merci Nekfeu. Bah merci. Demain de retour, massif comme toujours. Et peut-être avec, pas de live demain aussi. Mais bien sûr qu'il y aura du live. D'accord. Je sais pas si t'as remarqué, mais de plus en plus là, ça se réduit. Ouais, on commence au début, on parle un peu. Et maintenant, j'ai l'impression que vendredi, en fait, ce sera mort. Demain, je te dis bonjour, tu mets l'instru, c'est parti. C'est tout direct. Ouais. Bon, merci pour cette belle soirée. L'album est dans les bacs. Merci à vous tous, en tout cas. Merci. On va retrouver Difool. Et oui, on est là. Et on va démarrer la soirée avec Fredo, un petit blind test. Écoute bien. Allons-y. Un extrait de quelqu'un que tu connais bien. Je crois qu'il est là tous les soirs de la semaine. Il est là tous les soirs et le son qu'on va écouter. Bon là ça va être trop facile pour toi, Fred, c'est ça. Bon, pour toi aussi, Nekfeu. Hein. On verra bien, c'est le son qu'on va passer maintenant sur Skyrock. Moi c'est un son qui m'a rendu dingue quand je l'ai écouté. Bon choix. La première fois que j'ai écouté, j'ai dû le mettre 50 fois. Bah tu vas être dingue, on va le mettre une fois de plus là, Fred, hein, dans un instant là. Nekfeu avec, on verra, c'est un extrait de l'album. Il y a des messages, je sais pas si vous les avez vus. Il y a Negro 17 qui dit il n'y a plus d'album dans le 17. Magali aussi, introuvable dans le 45. On est d'en parler à l'instant. Mais ouais, mais est-ce qu'ils sont allés aujourd'hui ou pas? Parce que normalement, c'est cet après-midi, ça a été réapprovisionné. Normalement, cet après-midi, les camions sont arrivés. Totor du 62, c'est les mails que j'ai reçus ce matin, ça, Nekfeu. Ah, d'accord. Bah, alors, peut-être que oui, c'est bon. Il n'y a plus d'album dans le 62. Il va falloir que tu fasses une tournée avec. Mais tu sais quoi, avec c'est un camion. Il y a mon Gamousse là qui va prendre quelques scuds et les t-shirts et on va capter les gens et signer les trucs en tournée comme d'hab. Il y a Alex Acap. J'attends toujours l'album que tu devais me ramener. Ah, il vient tout à l'heure, Nekfeu. C'est tout à l'heure que tu viens. T'inquiète. J'attends. Ouais. Il est là. J'attends. Karim. Imprévisible. C'est une pince aussi, celui-ci. Moi, si d'ici vendredi, je l'ai pas, je le télécharge de toute façon. Non, on fait pas légalement, ça. Légalement, bien sûr. Il menace. Vas-y, je vais te le ramener. Je fais un aller-retour, je te l'amène. Bon, va le payer. Tu viens nous voir ce soir, Nekfeu, entre 10h, 10h30, tout à l'heure. Tu viens quand tu veux, on est là jusqu'à minuit, de toute façon. Ok, lourd, le temps que je me change un peu, tranquille. Très bien, tu vas te faire beau gosse. Ouais, fais-toi beau gosse. Il y a la Marie. Ça, ouais. Marie, elle m'a fait fantasmer toute ma jeunesse. Ah, bah tu nous diras ce que t'as fait. Ça va. J'ai mis du parfum aujourd'hui, ma Marie, je te préviens. Je te remercie, c'est sympa. Mais tu nous diras ce que t'as fait en pensant à elle un peu. Je te dirai tout ça. Ah non. Karim, il veut en savoir plus. Si vous aussi vous avez des questions, je suis Karim. Ouais, il est bizarre, je trouve. Ouais, il est bizarre ce soir. Mec bizarre. Tu déclenches des trucs bizarres depuis la sortie de ton album, Nekfeu. Je jure. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Moi non plus. Feu, c'est l'album. Il a gagné tout à l'heure dans la roulette. On fera tourner. Et puis, donc, Nekfeu dans l'émission. C'est avant minuit. Yes. Ne loupez pas le rendez-vous. Toute l'équipe est là. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui êtes là avec nous. C'est parti pour la radio. Vous pouvez nous appeler. 01 53 40 30 20. Vos messages pour Nekfeu et pour tout le reste. C'est au 41 759 sur l'appli Skyrock. Et puis, on verra. C'est le son qui arrive tout de suite. Un extrait de l'album. Feu. Feu. Et Bandit Feu. Alors, et à demain. Dans les bacs. 20h pour le Planète Rap et tout à l'heure pour Nekfeu. Ciao. Ciao. Ils les appellent dans toute la France.